Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Amen. J'aimerais que vous ouvriez votre bouche ce matin et que vous parliez à Dieu. Vous ne pouvez pas venir ici sans attente. Donc, dites à Dieu ce matin ce que vous attendez de lui. Parlez à votre Dieu ce matin. C'est un bon Dieu que nous servons. Vous ne pouvez pas venir dans sa présence sans attendre à ce qu'il agisse dans votre vie. Donc ce matin, vous allez lui dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis-moi un mot, un seul mot qui va me changer, qui va transformer ma vie. Seigneur, un seul mot qui va m'aider. Dans cette semaine qui vient, Seigneur, un mot qui va me tenir. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour la grâce d'écouter ta parole. Seigneur, utilise-moi ce matin pour bénir tes enfants. Que personne ici sort de ce lieu comme il est venu. Ma prière, c'est que ta parole agira, que ta parole sera ce dont ils cherchent. Seigneur, merci pour le privilège de prêcher, le privilège de partager, le privilège d'être une servante dans ta maison. Merci pour la couverture, Seigneur, que j'ai dans cette église. Seigneur, merci pour la vie de notre évêque. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans sa vie. Garde-le, protège-le, Seigneur, alors qu'il nous dirige et il nous conduit plus près de toi. Seigneur, merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont là ce matin. Je prie que la parole sera relevant ce matin. Merci, Seigneur. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. What is relevant? Please be seated. Hallelujah. Somebody should find the definition of relevance. Amen. What is it? Pertinent ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Nous parlons de la prière. N'est-ce pas? Ma sœur, c'est vrai ou pas vrai? Celle qui est de... Oui, c'est toi? Oui, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ah. Ok. Tu t'appelles comment? Oui. Oui. Celle qui est devant Ella Dovi. Oui. Tu t'appelles comment? What? Marie-Joël. Marie-Jo. Elle. Hey, Lindy, stop confusing me. All right, Marie-Joël, c'est vrai ou pas vrai? Ok. Donc, next time when I ask you a question, you respond. Ok. Amen. Are you there? Marie-Joël, tu es là? Ok. Nous parlons de la prière. Amen. La semaine passée, on a regardé la vie de Daniel. N'est-ce pas? Nous avons regardé comment c'était quelqu'un de très important. Pourquoi vous êtes serré comme ça? Hein? Voilà. Powerful. C'est mieux, non? Beaucoup mieux. Amen. Nous avons vu comment quelqu'un de très important comme Daniel a eu un temps de prière sans pareil. Il priait tous les jours, trois fois par jour. Il priait malgré son emploi du temps, malgré ses responsabilités, malgré la pression de son emploi, son office, sa position. Amen. Et nous avons établi que nous ne pouvons pas dire que nous sommes trop occupés pour servir Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous souvenez? Marie-Joël, tu te souviens? All right. Gaston, tu te souviens? Ok. La prière, on a vu que la prière est très importante. Amen. Si tu ne pries pas, c'est parce que tu n'as pas compris l'importance de la prière. Si tu ne pries pas, c'est parce que tu ne vois pas l'importance de la prière. Quand je parle de prière, ce n'est pas une prière de 5 minutes où tu fais la signe de la croix et puis tu quittes la maison. Ou tu fais la signe de la croix et puis tu manges. Ma famille est catholique et on faisait beaucoup la signe de la croix. Jusqu'aujourd'hui, quand mon père, on dit, prie avant de manger, il fait ça. Ça, c'est sa prière. Ça, c'est la prière. C'est pas de ça que je parle. Amen. Le signe de la croix, c'est juste pour se rappeler qu'il y a une croix, quelque part, et que Jésus-Christ était mort sur la croix. Mais prier, c'est de parler, c'est de communiquer. Amen. Donc, si vous ne priez pas, c'est parce que vous ne trouvez pas ça important. Et comme tu ne m'appelles pas en semaine parce que ce n'est pas important. Tu ne m'envoies pas des messages, Marie-Joël. Tu connais mon numéro. Parce que ce n'est pas important. Amen. Tu peux survivre sans. Tu peux te passer de la communication avec moi. Ça ne change pas votre vie dans la semaine, si vous ne me parlez pas en semaine. Tryphène, est-ce que ça change quelque chose dans ta vie? Non. Et c'est la même chose que nous faisons avec Dieu. Si on ne lui parle pas en semaine, how did the French say it? Bof. Bof. Ça ne change rien. Terry. Amen. Dans la semaine, ça faisait, je crois, 2 jours que je n'avais pas parlé avec LP. Et puis, je lui ai dit, parce qu'elle est très... Elle m'envoie toujours des messages, même quand je ne réponds pas. Elle continue, elle persévère. Parce que pour elle, c'est important. Et il y avait un jour où je n'avais pas eu de cette nouvelle. J'ai envoyé un message, j'ai dit, tu me manques. Oh! Yeah! Parce que j'étais habituée. J'étais habituée. Même si ce n'est pas un appel, un petit message. Alléluia. Donc, quand vous êtes habitué à parler avec quelqu'un, à être en contact avec la personne, quand ça s'arrête, vous êtes affecté, vous êtes touché. Amen. Mais nous ne sommes pas touchés par la manque de prière parce que ça ne change rien. Non, non, puis, vrai ou pas vrai, Marie-Joël, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Yeah. Ça, c'est la raison pour laquelle vous ne priez pas. Ce n'est pas important. Yeah. Think about it. Toi, tu es à l'école de mariage. Si ton bilot ne t'appelle pas, 2 jours, 3 jours, est-ce que ça va te dire quelque chose? Oui. Ça va te dire quoi? Je me posais la question pourquoi qu'il ne m'appelle pas. We cannot hear you, my dear Angela. Fais comme si tu es sur l'estrade et tu es Eve sur l'estrade, le drama ministry. Je vais me poser la question pourquoi il ne m'appelle pas. Tu vas te poser des questions. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal. C'est pas bon. C'est pas bon. Amen. Hey, I see. I didn't realize it was a drama dress. Hey. It's a drama dress, Christ. Powerful. Amen. Voilà pourquoi nous ne prions pas. Amen. Daniel trouvait que c'était important. Donc il avait un temps de prière régulier, tous les jours, trois fois par jour, quand il avait des problèmes, quand il n'y avait pas de problème. Nous, on prie quand on a des problèmes. C'est là où la prière devient importante. Hey, il faut que je prie. Hey, ce problème-là. Il faut que je prie. Il faut que je jeûne. C'est là où nous devenons spirituels. Quand il y a des problèmes. Vrai ou pas vrai? Marie-Joël. Amen. Personne ne peut dire qu'il est trop ou elle est trop occupée pour... Oh, where's your interpreter? Personne ne peut dire qu'il est trop ou elle est trop occupée pour prier si la personne comprend l'importance de la prière. Amen. All right? Et tu ne peux pas dire que tu es trop béni pour prier. Je n'ai pas de souci. La prière, c'est pour les désespérés. C'est ceux qui prient beaucoup là. C'est parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. Moi, je suis béni. It's a mistake. Amen. Vous allez prier si vous reconnaissez que la prière est la source même de votre bénédiction et de votre protection. Amen. Quand vous priez Dieu, il veillera sur toi. Yeah. Parce que quand je n'entends, je n'ai pas de nouvelles de LP à cause, je vais m'inquiéter, je vais me demander, mais est-ce que tout va bien? Je vais me soucier de son état de bien-être. Amen. Yeah. Angela elle sera inquiète de savoir que son bilan va bien. Tu ne connais pas son bilan. Angela numéro 2. Which one is numéro 1? Which one is numéro 2? Amen. Alléluia. Donc, vous priez parce que vous reconnaissez que la prière, c'est la source même de votre bénédiction. Alléluia. Amen. Good. Let's continue. Oh, on a vu jusqu'à... Ok, let's just go on. La prière est importante pour acquérir et garder les bénédictions de Dieu. Ok, si vous voulez être béni de Dieu, il faut prier. Si vous voulez que Dieu soit concerné, impliqué dans votre vie, il faut prier. Amen. Ah. Aide et administration, vous êtes toujours en amoureux là. Valentin, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Si vous voulez garder les bénédictions de Dieu, faut continuer à prier. Faut ouvrir la bouche pour parler à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour cette bénédiction. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné le souffle. Si vous voulez que ça continue, faut prier. Amen. Si vous voulez que les bénédictions de Dieu continuent à agir dans votre vie, faut prier. Faut rappeler à Dieu que vous êtes là. Imaginez. Moi, quand l'église était petite, 15, 13 personnes, je connaissais tout le monde. Le nom de tout le monde, j'avais le temps de visiter tout le monde. Maintenant, même vos noms, c'est difficile. Amen. Parfois, on m'envoie un message, c'est l'anniversaire de X, je dis, je ne connais pas. Si on ne m'envoie pas la photo, je ne connais pas. Vous voyez? Quand vous aurez mon âge, vous allez comprendre. Alléluia. Donc, pour me rappeler, il y a des noms que je ne peux pas oublier. Par exemple, Gaston. Et qui encore maintenant? Marie-Joël. Yeah. Mais pour certains, je connais, je sais que je te connais, mais le nom m'échappe. Mais si tout le temps, vous êtes en contact avec moi, et vous dites que c'est moi. J'ai retenu le nom de Ruth parce qu'elle m'envoyait toujours des messages. toujours des messages. Ruth. Maintenant, je ne peux pas oublier son nom. Do you understand? Yeah. Il y a des gens que je connais. Je peux te parler gentiment, mais le nom m'a échappé. Tu ne sais pas. On parle en cause, mais... Vraiment. Amen. Je me souviens quand Florence, je m'appelle Florence, elle est venue, elle s'est mise devant moi. Je m'appelle comment? Je me suis dit, oh! Et j'avais oublié. Donc à partir de ce jour-là, je n'avais plus oublié. Anyway, si vous ne voulez pas que Dieu vous oublie, priez. Seigneur, me voici, oh! Ne m'oublie pas, oh! Je suis toujours là, oh! Amen! Quand tu es béni, priez. Quand vous n'êtes pas, vous êtes toujours béni, mais quand vous êtes dans des problèmes, priez. Il ne faut pas seulement prier quand vous êtes dans des problèmes. Imaginez, vous avez un ami qui vous appelle seulement lorsqu'il y a des problèmes. Seulement quand le Western est en retard. Il dit, oh, le Western est en retard, tu peux me prêter 50 Ghana, je te paye après. Et tu n'as pas de nouvelles encore 3 mois. Oh, le Western encore est en retard. Tu peux me prêter 50 Ghana. Oh, merci, merci. Oh, tu es trop gentil. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Encore 3 mois. Oh, tu sais quoi? Papa, oh, il ne m'a pas envoyé le Western encore. Tu peux me prêter cette fois-ci 20 Ghana seulement. Tu seras fatigué d'un tel ami? Amen. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Yeah. Donc, soyez en contact toujours avec les personnes qui sont importantes. Et Dieu est la personne la plus importante. Il faut qu'il te connaisse. Amen. Hier, j'avais quelqu'un m'a appelé et il m'a passé le téléphone. Et dès que la personne à qui il a passé le téléphone, a commencé à parler. J'ai reconnu la voix. J'ai dit, oh, mais c'est mon oncle. On ne se parle pas tous les jours, mais je reconnais la voix. Et il aussi, il connaît ma voix. Amen, parce qu'on est assez proches. Donc, quand vous parlez à Dieu, il faut qu'il sache, oh non, ça c'est Letty. Letty veut quoi ce matin? Amen. Alléluia. Et parfois, quand vous priez, c'est juste pour bénir Dieu. Il m'arrive parfois de prier et après la prière, je me rends compte que je n'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé. Je dis, oh, mais tu n'as pas prié pour ça, ça, ça. Mais j'étais juste dans la présence de Dieu et c'était suffisant. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, avoir une relation avec quelqu'un. Parfois, tu es avec la personne que tu aimes, mais il n'y a pas de conversation en tant que telle. Juste être avec la personne suffit. Il y a un silence agréable. Il y a aussi un silence désagréable. Où les gens sont tendus et il y a la tension. Mais il y a aussi un silence agréable où tu es confortable. Tu n'as pas besoin de parler. Si tu es quelqu'un qui a toujours besoin de parler, il y a un problème. Amen. La Bible dit que dans la multitude des mots, il y a toujours le péché. Quand vous parlez beaucoup là, surtout les femmes, il y a le péché n'est pas loin. Alléluia. Amen. Next one. Pour être efficace, la prière doit être habituelle. Habituelle. Tu dois être habitué à la prière. Parfois quand je dis, oh, ouvrez la bouche et parlez à Dieu, je vois que beaucoup ne prient pas. Et je sais immédiatement que ce n'est pas une habitude. Ils n'ont pas cette habitude de prier. Pour que la prière soit efficace, il faut que tu sois habitué à la prière. La Bible dit que Daniel, il priait comme il avait l'habitude de le faire. Ou comme il faisait auparavant. Ce n'est pas maintenant qu'il a commencé à prier. Amen. Pour que la prière soit efficace, mon ami, faut que ça soit une habitude. Et les habitudes se développent avec le temps. Amen. Tu ne peux pas dire à un enfant, un jour, va brosser les dents et attendre à ce qu'il le fasse tout le temps. faut le rappeler. Tu as brossé les dents. Tu n'as pas... Ouvre ta bouche. Va brosser les dents. Tu fais ça encore jusqu'à ce qu'il devienne habitué. Amen. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas insisté. Voilà pourquoi on ne brosse pas les dents. Régulièrement. On n'a pas insisté. Yeah. On n'a pas insisté. On a dit ça une fois, deux fois. Ah, s'il ne brosse pas les dents, c'est sa bouche. Parfois, il faut insister. Amen. Brosser les dents avant de dormir. On n'a pas insisté. Voilà pourquoi tu ne brosses pas avant de dormir. C'est vrai ou pas vrai? Elle a peur maintenant. Yeah. Pour que la prière soit efficace, il faut que ça soit une habitude. Et l'habitude se développe avec du temps. Yann, is it true? Avec le temps. Par exemple, si tu es quelqu'un qui fume, ok, tu étais quelqu'un qui fume. Ça s'est développé avec le temps. Et maintenant, tu ne pouvais pas t'en passer. J'ai une cousine, elle essaie, elle veut s'arrêter. Elle me dit, c'est pas facile. J'ai dit, tu vas le faire, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, mais ça va venir avec le temps. Amen. Les habitudes se développent avec le temps. La prière. Aujourd'hui, tu as prié. Demain, tu n'as pas prié ou tu ne vas pas prier. Faut pas te décourager. Amen. Faut que ça devienne une habitude. Tu ne peux pas dire que tu vas commencer à prier 3 heures par jour si tu n'es pas habitué à prier 15 minutes. Ça ne va pas marcher. Tu vas faire un jour et puis c'est fini. Amen. Ça se développe. Amen. Donc, pour que ça soit efficace, il faut que ça soit une habitude. Mettez l'alarme. Dis à 5 heures, tous les jours, je vais me lever à 5 heures pour prier 30 minutes avant de partir. Ok. Après un temps, tu dis, ok, je vais prier à 4h30 et je vais prier 1 heure. Quand ça devient une habitude, amen, tu peux augmenter. Par exemple, si tu vas tu veux faire gymnastique, il te donne des choses faciles à faire d'abord. Et quand tu arrives à le faire assez confortablement, ils augmentent. Ils mettent plus de poids, ils donnent encore plus de vitesse, ils te donnent encore, n'est-ce pas? Yeah. Avec le temps, amen. Si vous voulez que l'habitude se forme en vous, soyez discipliné et va doucement. Amen. Mais il faut que ça soit important pour vous. Si ce n'est pas important, nous avons besoin de bonnes habitudes. Beaucoup d'entre nous, nous avons des mauvaises habitudes. Tu ronges les ongles, par exemple. C'est une habitude. C'est quelque chose que tu ne peux pas arrêter facilement. Ou bien, yeah. Tu ne peux pas arrêter facilement. La prière, lorsque c'est une habitude, sera pareil. Tu ne pourras pas arrêter facilement. Même si tu dors à minuit, quelque chose va te réveiller à 4 heures pour dire que c'est le temps. Faut prier. Amen. Parce que c'est une habitude. Are you listening to me? Alright. Jésus priait habituellement. Alléluia. Amen. En Luc 4, verset 16, il dit, selon sa coutume, son habitude, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il était habitué, selon sa coutume. Quand vous voyagez, est-ce que vous cherchez une église? Vous dites, ah, il n'y a pas d'église ici, je vais me reposer. Yeah. Est-ce que tu es mal à l'aise parce que tu n'es pas allé à l'église? Est-ce que tu te sens mal? Est-ce que tu as fait 2 semaines sans aller à l'église? Ou pour toi, c'était un temps de repos? Translate for him. Amen. Alléluia. Important de prier. Que la prière devienne une habitude pour vous. Are you there? Are you there? Yes. All right. Next one. Je l'ai dit, mais je vais le répéter. La prière doit continuer quand, à la fois dans les temps de difficulté et aussi dans le temps de paix. Amen. Lorsque le décret était signé par le roi, que personne ne devait prier, c'était un temps de difficulté. Parce que le cible, l'objectif, la raison pour laquelle ils ont fait de cette déclaration, c'était à cause de Daniel. Ils ont dit, si on va avoir Daniel, c'est seulement si c'est lié à sa relation avec Dieu. Sinon, on ne peut pas l'avoir. C'est un homme correct. Ça serait difficile de le piéger. C'était un temps de difficulté parce que les conséquences étaient graves. Les conséquences étaient graves. Alléluia. Mais il ne pouvait pas s'empêcher. Amen. Parce qu'il était habitué à la prière. Dans les bons temps, il était premier ministre, c'était des bons temps. Il commandait le respect de beaucoup de personnes. Quand il dit va, ils allaient. Quand il demandait, est-ce que vous pouvez m'amener, ils amenaient. Parce qu'il avait le pouvoir, la position. Donc quand les temps étaient beaux, il était un grand chef, il priait. Et bien quand sa vie était en danger aussi, il a continué dans la prière. Alléluia. Amen. So, pour que la prière soit efficace, il faut prier dans les bons temps et dans les mauvais. Alléluia. Amen. Chaque nation a besoin de dirigeants qui prient. Amen. Beaucoup de nos dirigeants ne prient pas. Lorsque tu pries, tu vas prendre des bonnes décisions. Amen. Lorsque tu pries, tu sauras quand ce que tu fais est bon ou mauvais. Amen. Surtout si tu es dans une position d'autorité. Alléluia. C'est là où tu as plus besoin de prière. Amen. Lorsque tu es dans une position. Parce que tes décisions peuvent affecter beaucoup de personnes. Nous avons besoin des leaders qui prient. Et quand je parle de prière, je vous ai dit que ce n'est pas une prière de 5 minutes, une communication. Parce que quand Lady Pastor m'envoie des messages tous les jours, en quelque sorte, elle commence à savoir comment je pense, ce que je vais aimer et ce que je ne vais pas aimer. Elle saura petit à petit comment je vois les choses. Quelle sera ma réaction vis-à-vis cette situation ou pas? Pourquoi? Parce qu'elle est en contact. Pas parce qu'elle m'a posé une question directe, mais juste à force de communiquer avec moi. Amen. Peut-être une fois, je lui ai dit, non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas quand on fait les choses comme ça. Elle saura la prochaine fois. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous êtes en communication régulière avec Dieu, vous saurez quel sera son avis. Tu sauras quelle idée il aura par rapport à certaines choses. Tu sauras que Dieu ne va pas aimer si je me comporte comme ça. Dieu ne va pas approuver si je fais X, Y, Z. Pourquoi? Parce que tu es en communication avec lui. Amen. Tu es en communication avec sa parole. Tu sais ce que la parole dit. Amen. La prochaine fois quand tu seras tenté de voler, tu sauras que non. Dieu a dit que je ne dois pas voler. Are you with me? Parce que tu connais la pensée de Dieu par rapport au vol. Amen. Mais si tu ne lis pas la parole, tu ne pries pas, comment est-ce que tu sauras? Gloria. Comment est-ce que tu sauras ce que Dieu pense? Ce ne serait pas possible. Tu vas dépendre de moi. Et si le jour où tu parles avec moi, je suis en mauvaise humeur, je peux te dire n'importe quoi. Et tu vas accepter. Parce que c'est le pasteur. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se trompent parce qu'ils ne connaissent pas la parole pour eux-mêmes. Ils ne connaissent pas la vie, la pensée de Dieu. Ils dépendent du pasteur. C'est là où beaucoup se trompent. Et beaucoup sont trompés. Yeah. Voilà pourquoi des gens vont et puis le pasteur les lave. Viens, je vais te laver avec l'eau sainte. Je vais te donner à minuit, bord de la plage. Apporte 2 litres d'eau et une bouteille d'huile. Parce qu'il y a des parents dans au village qui te cherchent. Viens, je vais te laver moi-même. Et les gens vont. Vous riez, mais les gens vont. Certains d'entre vous aussi, vous connaissez des gens qui sont partis. Si ce n'est pas vous-même qui sont partis. Je n'ai jamais vu Jésus-Christ laver quelqu'un dans la Bible. Jamais. La Bible dit, ils connaîtront la vérité. Et c'est la vérité qui affranchira. Mais tu ne sais pas, parce que tu n'as pas de communication avec lui. Voilà pourquoi on t'a lavé au moins 2 fois. À minuit, au bord de la plage, avec l'eau sainte. Il dit, l'eau là, ça vient d'Israël, Israël. Et tu es surpris que les cauchemars continuent. Tu es surpris, tu es étonné. Tu es parti avec un problème, tu es revenu avec 7 problèmes. Amen. C'est parce que tu ne connais pas la parole. Tu n'as pas été en communication avec Dieu. Tu ne connais pas la pensée de Dieu par rapport à ça. Dieu, est-ce que c'est dans ta volonté que j'aille me faire laver par le pasteur? Il y a des prières qu'il ne faut même pas faire. Il y a des prières qu'il ne faut même pas faire si tu connaissais la parole. Tu n'allais pas les faire. Amen. Parce que vous n'êtes pas habitué. Quand tu pries haut, tu ne pries pas haut. La vie continue. La vie continue. Il se trouve, Gaston. C'est vrai. Je ne sais même pas où je suis. Gaston. Ah, ok, d'accord. Yeah. La prière est importante. Communiquer avec Dieu est très important si tu es chrétien. Et je vais continuer à parler de la prière parce que nous sommes en période de prière. Et je crois que à force d'en parler, vous allez réfléchir. Ça serait quelque chose qui, peut-être que ça ne venait pas naturellement. Mais ça va entrer dans votre esprit. Ça va entrer dans... Même quand vous vous levez, vous ne priez pas. Quelque chose en toi sera agité. Tu vas dire, j'ai pas prié. C'est déjà une chose. Même si tu ne pries pas, c'est déjà quelque chose de penser à la prière. Parce qu'avant, tu ne pensais pas à la prière. Vrai ou pas vrai? Et quand vous venez à l'église, vous faites exprès de ne pas venir tôt. Parce que, ce n'est que la prière. Ce n'est que la prière d'abord. Donc, je vais arriver vers 9h15. Juste le temps d'entendre la chorale. N'est-ce pas? Parce que c'est pas important. Si c'était important, vous tous là, vous n'allez pas quitter entre premier culte et deuxième culte. Vous n'allez pas quitter tous au moment de la prière. pour aller vous soulager, acheter de l'eau, manger. Vous n'allez pas quitter. Vous allez dire, c'est le moment de prier. Moi, je veux prier. Surtout que tu n'as pas prié avant de venir. Allez rester pour prier. Amen. C'est comme si Yann Mako, il ne fait ce qu'il fait, c'est pour l'interlude. Thank you. La prière, c'est l'interlude. Jusqu'à ce que les gens soient prêts. C'est parce que on n'a pas compris. On n'a pas compris l'importance de la prière. Tu n'as pas prié avant de venir. Au lieu de profiter des 15 minutes qu'on a arrangées pour que tu puisses être prêt pour entrer dans la présence de Dieu, c'est le moment d'aller faire pipi. D'aller vous soulager. Parce que vous êtes un bébé qui ne peut pas se retenir une heure. Yeah. Parce que si vous ne vous levez pas pour aller faire pipi, quelque chose de terrible va se passer. Et tu sais que ce n'est pas urgent. Quand c'est urgent, tu sauras. Souvent, c'est urgent lorsque tu arrives à la maison et la clé. Tu cherches la clé pour entrer à la maison. C'est là où... C'est là où c'est urgent. Et quand vous êtes assis, confortable, c'est jamais urgent. Am I lying? Gaston, am I lying? It's true. Yeah. Qui vous avez déjà expérimenté ça? C'est là où ça devient urgent. Amen. C'est parce que vous ne savez pas combien c'est important de rester là où tu es pour prier. Prier, se préparer. Amen. Alléluia. What was I saying? What was I saying? You don't know. All right. Amen. Je disais que nos leaders, on a besoin de leaders qui prient. Des leaders qui sont en communication avec Dieu. Amen. Toi aussi, tu dois être en communication avec Dieu pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Pour pouvoir se comporter comme un sage. Yeah. Parce que la vie est dure, compliquée. Et parfois, tu dois prendre une décision d'un moment à l'autre. Et si tu n'es pas sage, tu peux facilement prendre une mauvaise décision. Facilement. Et après, tu vas dire, je n'aurais pas dû. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le temps de t'asseoir pour réfléchir. Ce n'est pas à tout moment où tu auras le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Parfois, les décisions, c'est maintenant. C'est oui ou non. Si tu n'es pas sage, ou si tu n'as pas l'esprit de Dieu, ou les pensées de Dieu en toi, tu peux facilement prendre une mauvaise décision. Amen. Qui a déjà pris une mauvaise décision? Une décision que tu as regrettée, juste... Même pas plus tard, le moment même. Yeah. On a pris la décision parce qu'on n'était pas connecté. On n'était pas connecté. Amen. Lorsque tu es connecté avec Dieu, tu sauras l'esprit, la pensée de Dieu. Amen. Et quand tu prends une décision, même si les conséquences sont mauvaises, tu seras en paix. Pourquoi? Parce que tu as prié. Quand Jésus priait, la Bible dit qu'il a prié. Il était tourmenté, il était troublé, il a prié. Même avant de choisir les disciples, la Bible dit qu'il a prié toute la nuit. Toute la nuit. Il a prié toute la nuit et après, il a choisi les disciples. Je crois que c'est Marc 16, vers la fin. Vers la fin. Il a dit, il a prié toute la nuit et le verset 13, what does it say? Voilà. Et il a prié toute la nuit, et quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Après avoir passé une nuit de prière, une veillée, il a choisi les 12. Avant, ils étaient nombreux. Maintenant, il a choisi les 12. Les 12 étaient maintenant les apôtres. Alléluia. Amen. Même Jésus-Christ savait que la prière était importante pour les grandes décisions. Toi, tu vas te marier, tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Tu ne peux pas me dire que tu as veillé toute la nuit avant de choisir. Tu avais déjà choisi avant de prier. Et ta prière, c'est qu'elle accepte. Ta prière, ta veillée de prière, c'est pour qu'elle accepte. Oh Seigneur, quand je vais, il faut qu'elle dise oui. Shabaya, Shabaya, Shabaya. Touche le cœur, Seigneur. Convainc. Yeah. Ça, c'est ta prière. N'est-ce pas? Seigneur, dirige-moi vers la bonne personne. Seigneur, si ta volonté ouvre des portes pour moi, quand je vais lui adresser la parole, que ça soit vraiment. J'ai juste suivi la forme. Vous avez suivi le sketch la semaine passée. Yeah. Yeah. Si la prière va marcher pour toi, ça doit être une habitude. Amen. Quand ça devient une habitude maintenant, quand tu seras plus âgé, dans des positions importantes, tu seras tellement habitué à la prière qu'avant de prendre une décision, tu vas prier. Amen. Je veux que la prière fasse partie de ta vie. Un bon moment de prière. Que si tu quittes la maison sans avoir prié, au moins la conscience doit te reprocher. Au moins. Mais si tu n'as pas de. Il n'y a pas de reproche. Il n'y a pas de pensée. Il n'y a rien. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Ta conscience est tellement endurcie que tu, quand tu ne pries pas, ça ne change rien. Oh, je vais rencontrer Dieu mardi. Oh, Dieu, on se verra dimanche. On va prier. Dimanche, on va nous faire prier beaucoup. Donc, si je ne prie pas en semaine, c'est pas grave. C'est pas grave. Après tout, on a prié 100 heures. Ça va me conduire encore 100 jours. Au moins, ça va me prendre jusqu'à mars. Et puis, je vais commencer à prier encore. Yeah! Prie 100 heures, 100 heures, c'est pas facile. Jusqu'en mars. Avec l'éveillé, waouh! Oh, bon, ça me prend jusqu'en mai. Yeah. That's how we think. C'est comme ça on fait tout un an. Oh, j'ai 3 heures de prière, ok, si je ne prie pas pour les 3 prochains jours, Dieu sait, Dieu sait, Dieu comprend. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Amen. Tout ce qu'il sait, c'est que mon enfant n'a pas cherché ma face. Mon enfant ne cherche pas mon avis. Mon enfant n'est pas concerné par ce que je pense par rapport à cette situation. Et Dieu ne va pas se forcer. Amen. Avant de dire oui, priez. Amen. Avant de demander, priez. Pour que Dieu te parle. Pour que Dieu te parle. Parfois, Dieu va t'envoyer là où tu ne pensais jamais aller. Dieu va t'envoyer vers quelqu'un qui t'est jamais venu à l'esprit, dis ça, c'est ton futur mari. Oh Dieu! Dieu, pourquoi? Dieu, pourquoi? Je croyais que tu m'aimais. Faut prier. Comme ça, tu seras en paix. En paix. La paix qui surpasse toute compréhension. Les gens vont parler autour à gauche. Je dis, ah, mais pourquoi vous... Je suis en paix. Pas de problème. Je suis tranquille. Tranquille. Peu importe ce que tu penses. Je suis tranquille. Tiens, toi, tu as prié, donc tu penses que tu peux te tromper. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Même Jésus, il a choisi Judas. Au moins, j'ai prié. Et ma prière était une prière sincère. Amen. Avant de dire oui. Seigneur. Cédric. Avant, pas après. Jeff! Hey! Si tu te maries avec une sorcière, I will never forgive you. Amen. Si vous suivez la structure pour choisir. Yeah. Moi, je veux une fille qui est, tu sais, bien, taille guitare. Tu sais, moi, j'aime les filles un peu claires. J'ai un jeune homme que j'encourage beaucoup. Je dis, il faut se marier. Qu'est-ce que tu veux? On va t'aider. Moi, j'aime les filles un peu claires. Je dis, look at you. Et puis tu vas ouvrir ta bouche pour décrire. Il n'y a rien de mauvais si tu as une préférence. Il n'y a rien de mauvais. Mais il ne faut pas fermer ton esprit à ce que Dieu voudra pour toi. Parce que si tu veux les petites claires, tu ne sais pas que c'est une petite claire mamie Wata. Et un poisson. Je vous ai raconté l'histoire du poisson, non? Hein? Et c'est pas une histoire, c'est pas un film nigérian. Maï Joël, tu étais là. Tu ne connais pas l'histoire de la femme, la poisson. La femme poisson. Tu ne connais pas. Maï Joël, tu n'étais pas à l'église. Le jour où j'ai... Toi, tu connais. Toi, tu connais l'histoire. Tu vas raconter ça à Maï Joël. Après le culte. Amen. Are you listening to me? La prière est importante. Ruth, avant de dire oui. Avant qu'il dise, Seigneur, qu'il ne s'approche même pas de moi. Qu'il ne s'approche même pas de moi. Quand il vient, faut qu'il... Quelque chose doit l'empêcher. Si personne t'a demandé la main, il faut pas te plaindre. Parce que Dieu est en train de te protéger. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas péché encore ou pas eu ce genre de péché parce que personne n'est venu. C'est une grâce que Dieu t'a fait. Amen. C'est une grâce. Une grâce. Si tous les hommes courent autour de toi, il faut prier. Seigneur, c'est quoi? Seigneur, pourquoi? Hey, est-ce qu'il y a quelque chose qui me suit? C'est pas bon. Amen. Are you listening to me? Lindieuse. Avant de dire oui. Elle me fait les yeux. Yeah. Ladies. La prière, oh, la prière. Priez maintenant, il ne faut pas attendre qu'il arrive d'abord. maintenant, commencez à prier. Priez pour votre famille, priez pour votre mariage, priez pour vos enfants. Maintenant, même quand il n'y a même pas un nuage dans l'horizon, achète la parapluie. Par la foi. You understand? Il ne faut pas voir, il va pleuvoir. Où est-ce que j'ai mis... Non. Qu'il y ait une trace de pluie. Tu es prête. Parce que tu as prié. Seigneur, je veux que lorsque la personne viendra, je le reconnaîtrai. Parce que je l'ai déjà vu dans mes rêves. Priez. Priez. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà donné votre cœur. Maintenant que vous priez, vous n'allez pas entendre la voix de Dieu. Même s'il crie, oh, oh, me voici. Non, tu ne vas pas voir. You will see. Ton cœur est déjà parti il y a longtemps. Depuis. La prière. Si on se connaît depuis, nos familles se connaissent. J'ai entendu récemment quelqu'un dire à la radio, il dit, le meilleur temps de divorcer, c'est avant le mariage. Le meilleur temps de divorcer, c'est avant le mariage. C'est ça, exactement. Donc, il faut même pas se marier. Même si c'est le jour avant, Marie-Joëlle, et tu as des doutes. Faut pas marier. Faut pas se marier. Oh, la honte, oui. It's okay. Il faut m'insulter, c'est bon. C'est meilleur que de se marier après. Au secours, vous allez crier au secours. Amen. C'est dur, c'est pas facile, mais si vous priez, et vous priez beaucoup, Dieu va vous aider. Amen. Si vous n'êtes pas encore marié, c'est pas trop tard. Vous dites que votre cœur est déjà parti, c'est pas grave. Ça va revenir. Ça peut revenir par la prière. Amen. Dis à ton voisin, moi je vais prier. Je vais prier. Trésor. Colon. Holy. You have to pray. Amen. Vous devez prier. En tout ce que vous allez faire, tout. Par la prière. La prière et les supplications. Amen. Yeah. It's important to pray. Amen. Si vous ne saisissez rien, vous avez tout oublié, tout ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que si vous ne priez pas, c'est parce que vous ne trouvez pas d'importance. Arrêtez de trouver des excuses. Oh, j'ai pas le temps, mon emploi de temps, parce que je suis fatiguée, quand je dors, je n'arrive pas à dormir la nuit, donc c'est le matin où j'arrive à dormir. Your excuses are too many. Si vous n'arrivez pas à dormir la nuit, levez-vous et priez. Peut-être Dieu ne veut pas que tu dormes. Amen. Il ne veut pas que tu dormes. Voilà pourquoi tu ne peux pas dormir. Arrêtez de boire le chocolat chaud et de tout ce que vous faites pour dormir. Levez-vous et priez. Amen. Parce que la prière est importante. Alléluia. Amen. Let's stand to our feet. Amen. Dis à ton voisin, avant de dire oui, priez. Dis à un autre voisin, avant de demander, priez. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci, merci. Nous prions, Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci toujours de nous enseigner l'importance de la prière. La prière n'est pas des moments d'interlude avant la vraie chose ou le vrai culte. C'est le temps le plus important, Seigneur, où nous entrons en communication avec toi. Seigneur, merci, merci. Merci, Seigneur, pour ce message qui nous enseigne l'importance de la prière. Comment tu trouves la prière importante? Seigneur, notre communication avec toi est très importante. C'est par là, c'est là où nous saurons quel est ton avis. C'est là où nous saurons ce que tu penses. Seigneur, merci de nous aider à avoir des bonnes habitudes de prière dans nos vies. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ces moments d'enseignement. Merci pour ta vérité. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Toujours dans cette attitude de prière, j'aimerais vous inviter à donner votre vie à Jésus-Christ si vous n'êtes pas né de nouveau. Si vous n'avez jamais pris la décision de donner votre cœur à Jésus-Christ. Vous n'avez jamais pris la décision de lui offrir votre vie même. Si vous mourrez aujourd'hui, vous ne savez pas si vous irez au ciel ou en enfer. Mon frère, l'enfer est réel. Si vous croyez au ciel, vous devez croire que l'enfer existe. Je ne veux pas que vous mouriez un jour sans avoir pris une décision pour le Seigneur. La Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Aujourd'hui, tu veux dire, Lady Pastor, je ne suis pas né de nouveau. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Je ne suis pas sauvé. Je ne sais pas si je meurs aujourd'hui, où j'irai. Mon frère, je veux prier avec vous. Ma sœur, si vous voulez savoir ce que Dieu pense de vous, je veux prier avec vous. Si vous voulez faire cette prière ce matin, vous voulez dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, lave-moi par ton sang. Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Je veux être ton enfant. Si tu es là, tu veux faire cette prière, lève la main, je vais prier pour toi. Tu veux inviter Jésus-Christ dans ta vie. Tu veux inviter Jésus-Christ dans ton cœur. Tu veux qu'il soit le maître de ta vie. Aujourd'hui, n'hésite plus. Prends une décision pour le Seigneur. La Bible dit que si tu as honte de moi devant l'assemblée, moi aussi j'aurai honte de vous devant le Père. Aujourd'hui, tu veux prendre une décision. Tu ne peux pas mourir sans avoir pris une décision. La Bible dit qu'un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera. Aujourd'hui, avant que ça ne soit trop tard, fléchis ton genou et confesse le Seigneur Jésus. Lève la main, je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux naître de nouveau. Merci, je vois la main derrière. Tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Tu ne veux plus hésiter. Tu veux qu'il soit au contrôle de ta vie. Lève la main, je veux prier pour toi. Si tu as levé la main, je veux prier pour toi. Je vais te demander de faire une chose. Viens vers moi, viens devant. Viens, mon frère, viens. Viens. N'hésite pas. Ne réfléchis pas trop. Obéis seulement à la voix de Dieu. C'est Dieu qui vous appelle ce matin. C'est Dieu qui vous appelle ce matin. C'est Dieu qui vous appelle ce matin. C'est Dieu qui vous appelle ce matin. Merci. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Si vous voulez venir aussi, c'est pas trop tard. Venez prier avec nous. Amen. Pour ceux qui sont devant, faites de cette prière votre prière personnelle. Que ça vienne du fond du cœur. Et je vais demander à tout le monde de participer à la prière. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Et prions. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Merci de m'avoir parlé ce matin. Je reconnais que je ne suis pas né de nouveau. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Mais Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends une décision de te donner ma vie, de te donner mon cœur. Je t'invite, Seigneur, dans mon cœur. Viens régner, viens vivre, viens habiter. Seigneur Jésus, pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je prends une décision de te suivre et de te servir. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je t'appartiens, âme, corps et esprit. Seigneur Jésus, fais de moi ce que tu voudras. À partir d'aujourd'hui, je te suivrai, je te servirai. Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens plus. Je ne te suivrai plus. J'appartiens à Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Seigneur Jésus, merci de m'avoir accepté tel que je suis. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Pour le reste de ma vie, je vais te servir, je vais te suivre. Merci, merci et merci au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. J'aimerais que vous suivez, tournez-vous là-bas. Voyez le frère, j'aimerais que vous le suivez. Il va vous parler pendant une minute et après vous allez regagner vos places. Merci. Alléluia. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Oh, acclamez. Marie-Joël. Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît.